On s'écoute la deuxième partie de cette idée de regarder la bataille de l'eau noire comme point de départ pour discuter. Voilà, c'est une dizaine de personnes qui se mettent ensemble là, pour discuter des luttes, quoi. Et le point de départ, c'était ce film, La bataille de l'eau noire, réalisé par Benjamin Hainaut, qui est présent d'ailleurs. Voilà, et tout de suite, avant de s'écouter ça, un petit 10 minutes sur... Le titre de cette capsule sonore, c'est « Et vous, si vous étiez mère, et vous, si vous étiez mère, vous feriez quoi ?» Les rencontres de Sophie. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Eh ben moi, je travaille pour une radio. Et je me balade en ce moment à Saint-Julien pour poser des questions aux gens que je rencontre dans la rue. Oui, vous avez raison, vous faites bien. Je peux vous la poser, ma petite question ? Oui. En fait, je voudrais savoir si vous, vous auriez envie d'être mère. Est-ce que c'est... Moi ? Ouais. Ah non, jamais. Ah non, ça... Je n'aime pas la politique. Et vous, vous allez voter, vous ? Ah oui. Ah, j'ai toujours... Ah oui. C'est mon grand devoir. Et je vais y aller, là. En face. Nous sommes en mars, et c'est donc le joli mois des municipales en France. Sauf que cette fois-ci, des chiffres un peu inquiétants sont tombés. C'est un maire sur deux, en 2020, ne se représentera pas, ou en tout cas, hésitera très très fortement avant de retenter l'aventure. Et vous ? Est-ce que vous, vous auriez envie d'être maire ? Et quelle serait la première mesure à prendre ? C'est la question toute simple que j'ai eu envie de poser pour cette nouvelle série des rencontres de Sophie. Et pour ça, j'ai décidé d'aller traîner mon micro dans une petite commune comme il en existe tout un tas en France. Une de ces petites communes, justement, où le maire démissionne le plus. Et ce village, donc, c'est Saint-Julien, en Borne, dans les Landes, à quelques kilomètres de l'océan, entre Bordeaux et Bayonne, et tout près de Mimizan. Alors je viens d'arriver à Saint-Julien, ou Saint-Jus comme on dit par ici. C'est un gros village qui s'étale le long d'une départementale, perdu au milieu des pins maritimes, où le commerce résiste encore, puisque je vois au moins deux ou trois bistrots, une pharmacie, une supérette, une boucherie. C'est un village qui est coupé en deux. D'un côté le bourg, où je me trouve là, et de l'autre, un peu plus loin, Contis, la partie balnéaire au bord de la mer. Ce qui explique, même si j'ai un peu du mal à y croire ce matin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue, qu'ici, à Saint-Jus, on passe de 1600 à 15 000 habitants pendant l'été. Mais ce matin, il n'y a pas grand monde, c'est plutôt tranquille. C'est samedi, et samedi, à Saint-Jus, eh ben, c'est jour de marché. Et ça se passe, évidemment, place de la mairie. Et là, il y a un monsieur en vélo qui vient de traverser la rue et qui me regarde bizarrement. Qu'est-ce que vous faites là ? Pardon ? C'est un micro ? Oui, c'est un micro. Ah, vous avez interrogé au marché ou quoi ? Ben oui, je m'apprêtais à traverser la rue. Ah, d'accord. Et vous faites quoi ? Eh bien, moi, je vais faire du vélo, quotidien tous les matins. Mais vous faites un reportage pour moi. Moi, je travaille pour une radio qui s'appelle « Là-bas, si j'y suis ». Et en fait, je me balade en ce moment en France et puis je pose un peu des questions aux gens que je rencontre. Voilà. Bon, mais vous avez vu qu'ici, c'est une belle région, hein, les Landes. Bah oui, c'est pas mal. Vous avez vu cette côte qu'on a, impeccable. Bah ouais. On n'est pas encore envahi par... Parce que maintenant, les Marseillais commencent à venir par ici, ils sont dégoûtés chez eux, là-bas. Ah, les Marseillais. Ils me disent qu'ils sont envahis et maintenant, ils veulent venir acheter par ici. Bah c'est que alors ils m'ont dit mal. Dans quelques années, vous serez envahi. Bon, je n'en ai pas encore là. En fait, la question que je pose en ce moment, c'est est-ce que vous auriez envie d'être maire ? Non. Autrefois, c'était impeccable. Mais maintenant, non. Au moins de trucs, on s'emporte sur vous. Vous recevez des courriers, vous êtes injurié. Non. Non, non. Mais ça se passe comme ça, par ici ? Ça commence. Oui, ils s'en prennent plein la gueule. Hein. Vous avez maintenant à Conti, ils disaient ils font tout à Saint-Julien. Putain, je leur ai dit l'autre fois, mais portez-vous, putain, c'est pas la peine de critiquer par derrière. Vous avez la place. Portez-vous, montez une liste, ils n'ont pas voulu. Parce qu'en fait, c'est le village, il est coupé en deux. Et Conti, c'est la partie balnéaire. Quoi, oui, voilà, mais ça fait partie du vous faites tous partie du même village. Voilà, c'est ça. Et alors, ça se tape un peu dessus, quoi. Il y a toujours des jaloux, qu'on en fait un peu trop par ici, par là, passer là-bas. Et donc, le maire, il s'en prend plein la tête. Eh bien oui, bah, par les uns et par les autres, ça, c'est sûr, oui. En tout cas, ça ne vous tente pas. Non, pas du tout. Non. Je préfère être comme je suis. Et vous faisiez quoi comme... Vous êtes à la retraite? Oui, j'étais imprimeur. J'étais dans le plastique, les poches aux boutiques et tout ça, les trucs agricoles. C'était une petite usine qui appartient à la grosse famille de l'Ursalus, où il y a le grand vin, maintenant qui a été vendu. Mais il a toujours des parts. Ikem, le grand vin blanc. Il a des propriétés partout ici. Parce que c'est qui l'Ursalus? C'est une personnalité ici? Bon, il a toutes ses propriétés, il a son château à Usa et tout. Et autrement, il a son château à Fargues. Ah oui, c'est un pauvre. C'est un noble du coin, quoi. C'est un noble. Maintenant, soi-disant, je ne sais pas quel âge il a, soit presque 80 ans, il est passé marquis maintenant. Mais ça existe encore, tout ça? Oui, et le fils est passé comte. Mais ça existe encore? Ça existe encore, là. On m'a raconté ça, là, il n'y a pas d'heure. Ah ouais. Et donc il a beaucoup de propriétés ici. Partout ici. Jusqu'à Contis, des deux côtés, c'est à lui. Après vous allez ici sur la route d'Itemix, jusqu'à Usa, jusqu'à là-bas, à Lévignac, il a des propriétés partout. Et qui a eu des aides pour faire réparer, parce qu'il ne peut pas imposer comme ça. Mais c'est tout des magouilles sous ça. Mais alors justement, si vous, imaginons, d'accord, bon, vous êtes maire. Ce serait quoi pour vous la première mesure à prendre? Je ne sais pas, regardez, il y a tellement de pauvres gens, c'est tout ça. Ça me fait pitié un peu. Quand on voit toutes ces choses de nobles et tout ça, et on ne regarde pas trop ceux qui crèvent la dalle, ça me gêne un peu. Pourtant, moi, j'ai souffert toute ma jeunesse. On n'avait pas grand-chose à bouffer. Quand maintenant quelqu'un me tend la main pour une pièce, jamais je donne, moi. Je disais, autrefois, quand j'étais jeune, personne ne m'a rien donné. J'avais qu'un petit short pour aller à l'école, même l'hiver, hein. Ah non, ça a été vraiment... Il fallait qu'on braconne avec mon grand-père pour bouffer. On chopait de la pain et tout ça, à l'époque. C'était ici? Oui, moi je suis né ici. Après la pisciculture, il y a le premier pont et un deuxième pont, que ça s'appelle Oyolat, là. Oui. Mais comment ça se fait que vous n'aviez pas de sous? Vos parents, ils faisaient quoi? Eh bien, c'était la misère, autrefois. Donc. Mon père, il travaillait, il était charpentier. Mais il travaillait pour quelqu'un, il était couvrier. Et ma mère, elle ne travaillait pas, on était trois à nous élever. Et on vivait avec mes grands-parents. Ah non, c'était... Non, ça a changé la vie d'autrefois et maintenant. Moi, j'ai connu Contis quand j'étais jeune, et on y allait avec des vélos tout pourris. Il n'y avait qu'une baraque en bois, et tandis que, regardez, maintenant, vous voyez, c'est ça les lotissements maintenant. Il y en a beaucoup qui se construisent. Eh bien, là, il y en a un, soi-disant, qui vont faire dans quelques temps, je ne sais pas quand, 18 petites baraques. Et oui, ça se construit toujours un peu par-ci, par-là. Et ça, c'est bien ou pas? Moi, j'aime mon truc sauvage. Moi, je ne voudrais pas trop qu'on soit envahi. C'est vrai que je ne l'aimerais pas. Non. Moi, j'aimerais que ça reste comme ça. Mais ce serait, en fait, ce serait qui que vous n'auriez pas envie de voir arriver? Ah, il y a un peu de tout. Encore ici, nous n'avons pas beaucoup d'étrangers. Mais vous avez dans des régions où il y a des... Eh bien oui, maintenant, ça évolue partout, dans tous les villages. Je vois que ça... Je ne sais pas, l'évolution, il en fallait, mais c'est trop. Mais alors vous avez un peu galéré... Enfin... Mais vous avez souffert un peu quand vous étiez jeune, et vous dites que vous ne donnez pas la pièce aux gens? Ah non, maintenant, non. Moi, on ne m'a rien donné, je ne donne pas. Ah non, maintenant, moi quand j'ai vu ma chose et quand je vois maintenant, quand on voyait les jeunes, il n'y a plus de respect, c'est à 100% plus pareil. Non. Donc vous ne donnez pas? Non, je ne donnerai plus maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils se débrouillent tout seuls? Mais non, mais maintenant, quand on voit cette jeunesse, la jeunesse ne veut plus travailler, on leur donne. Pourquoi voulez-vous qu'ils aillent déconner? Moi, je vois, entre nous, hein, ça va être enregistré, ça? Bon, ben, c'est anonyme. Hein. Bon. Oui, je ne vous dirai pas mon nom quand même. Et quand je vois, il y en a deux jeunes de Contis, ils ne sont pas mariés, ils sont tous les deux au chômage. Moi, ça me révolte. Ils sont partis 2 ans à Dubaï, là, va faire les cons. Mais je lui dis, mais comment vous faites pour les papiers? Autrefois, quand on arrêtait, moi, je m'appelle quand je travaillais, il y avait toujours un contrôleur. Mais tandis que maintenant, il n'y a plus de compte. Alors, maintenant, on vit une époque, c'est complètement... Moi, je suis parti à l'âge de 14 ans travailler. Et mon père, c'était pas chaud de les études. Tu pars comme tes frères. Hein. Et c'était le truc comme ça, autrefois. Et vous voulez que ce soit aussi difficile pour les autres? Mais non, je parle pas que ce soit difficile comme ça. Mais moi, ça me fait chier quand je vois tous ces jeunes qui vont à rien. Et que des pauvres vieux ou des handicapés, parce qu'il y en a certains qui jouent des comédies, ils sont malades comme moi, évêque. Il y en a qui savent jouer, vous savez. Non, il y a le truc un peu à revoir. Hein. Ça veut dire que si vous étiez maire, par exemple, vous feriez plus de contrôles mais non, vous ne pouvez pas faire des contrôles sur les jeunes, vous. Il faut que ça soit fait par le truc du travail, non. Je ne sais pas. Mettre en place des services obligatoires. On va voir cette liste-là. Bon, il n'y a qu'une liste. Je ne sais même pas si j'irai voter seulement. Puis ils sont, on n'a plus le droit à rayer. Si vous rayez, maintenant c'est nul. Autrefois, on pouvait rayer et mettre un nom à côté. C'est fini. Ça, c'est ce que vous faisiez ? Et autrefois, oui. Quand quelqu'un ne me plaisait pas, je faisais. Tandis que maintenant, il y a une liste. Je vais aller me faire chier, il passe d'office. Et là, bon, il y a des jeunes, c'est vrai, tant mieux qu'ils se sont présentés. Mais le 3-4, je n'en connais pas. Je ne les connais pas. C'est une liste de quoi ? De quelle couleur politique ? Oh, ici, c'est socialiste. Ça vous plaît ? Je n'ai pas répondu là-dessus. J'ai mon avis, c'est tout. Mais voilà. Vous votez pas pour eux, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille branler ? Ils passeront que j'y aille pas, ils passeront quand même. Comment ça se fait qu'il n'y a qu'une liste ici ? Et personne ne s'est porté d'autre. C'est pour ça que j'avais dit à ceux qui disent vous êtes toujours en train de gueuler, montez-en une, putain. Et ils n'ont pas voulu. Alors, ou ils n'ont pas trouvé. Les... Parce que maintenant, il faut les trouver, les gens, pour aller sur une liste. Bonjour, Françoise. Bonjour. Ouais. Je sens un peu. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Bah, écoutez, bon vélo, hein. Bon, oui, alors... Et tu peux au moins avoir votre prénom. Non, vous voulez rien. Rien du tout. Bon, allez, bonne route, hein. Oui, et vous aussi. Bonne continuation, ouais. À bientôt. Oui. Au revoir. À suivre. Micro. Il y a un ouvert. Truc comme ça que j'aime bien lire en ce moment, Zygmunt Bauman, je sais pas si vous savez, qui parle de société liquide comme ça, la vie liquide et tout. C'est qu'en ce moment, on est dans une société qui arrive de plus en plus à des relations atomisées, à court terme, qui durent pas très longtemps, on connaît plus personne. Et puis, dans tous nos environnements, que ce soit la sphère privée, la sphère de proximité, de quartier, d'urbain, rural, il y a un environnement qui s'insinue dans tout ça, c'est le numérique du coup. Et le numérique, on a tous le GSM le matin, tu viens de te lever, bah tu regardes qui t'a écrit, hein, et tout ça crée des trucs, des petites... pas tout le monde, hein, je suis correct. Mais tout ça crée un peu des relations en continu, mais éphémères, quoi. Et on a de moins en moins d'emprise, ou en tout cas de relations, on va dire, vraies, locales avec les gens, quoi. Et c'est clair que ça peut être une forte menace, quoi, pour si on veut essayer de créer des choses en France, quoi. Justement, une des choses à laquelle je crois énormément, c'est justement de créer des liens vraiment, vraiment autour de soi. Et comment dire ça ? Mais déjà, se servir de ce qui existe. Bon, il y a le côté économique. On dit toujours, bon, pour la culture, pour l'art, pour le social, il faut de l'argent. Mais moi, je n'aime pas le gaspillage. Et bon, par exemple, vers 1999, j'avais envie de faire des salons littéraires. Enfin, il y avait des. J'ai un salon de coiffure. Et donc, dans ce salon de coiffure, je connaissais des gens qui habitaient le quartier pendant 30 ans. Mais quand je voyais qu'ils se croisaient dans la rue, ben, ils se disaient pas bonjour. Moi, je les connaissais tous les deux. Et donc, je me suis dit que j'ai un salon qui est ouvert la journée. Le soir, le salon est fermé. D'accord ? Et donc, je m'intéressais fort à un certain plaisir qui est la poésie, que je voulais découvrir. Et j'avais envie de faire ça dans mon salon. Et j'avais envie aussi de faire en sorte que le soir, le salon puisse servir à quelque chose. Ça ne mange pas de pain, le loyer est déjà payé, quoi. Putain, il est payé, quoi. Et donc, les gens qui se croisent dans la rue, habitant depuis 30 ans, si jamais ils se rencontraient chez moi lors des salons littéraires que j'avais organisés, ou les salons philosophiques que j'avais organisés aussi, ils allaient se connaître, donc ils allaient pouvoir se croiser en se disant bonjour. Donc, en fait, ma réflexion était plus une réflexion qui était et politique, et quelque part sociologique, parce que sociologique tout simplement, parce que justement rayonner autour de son quartier, connaître les gens, donc consommer local aussi, c'est d'actualité maintenant, mais ça ne l'était pas, ou en tout cas je n'en avais pas vraiment une idée, mais j'étais dans ma tête, même si c'était dans l'air, en tout cas j'étais précurseur, et politique pour dire que zut, quoi, on n'a pas besoin d'argent pour faire des choses, il y a plein de moyens qui existent partout et il faut juste s'en servir, quoi. Et ça a marché, c'était très, très chouette. J'ai arrêté par manque de temps, parce que voilà, mais... Ouais, et j'ai envie de revenir sur deux trucs. Un peu ce que tu disais, Seb, et c'est vrai qu'en fait, je pense que dans les exemples contemporains de lutte, il y a aussi peut-être... je sais pas si on doit les comparer, mais ces exemples-là sont tout aussi, si pas plus pertinents que ceux du passé, parce que le contexte est peut-être plus similaire, du coup, quelle que soit la région géographique. Mais voilà, il y a le Chiapas, il y a le Rojava, il y a les Gilets jaunes, il y a le Nigeria, avec le MENT qui a fait cesser l'activité pétrolière et qui a récupéré une partie de cette activité, entre autres. Enfin bref, il y a plein d'exemples contemporains qui, du coup, à mon avis, sont tout aussi intéressants à analyser, explorer pour nos luttes à nous. Ça, c'est un truc. Et un autre truc, pour revenir sur cette question d'attaque, défense ou quoi, je pense qu'on ne pourra pas trouver un plan et une stratégie qui va dire « mais si on fait ça, en fait, ça marchera ». Et donc, en fait, il suffirait de faire ça. C'est une illusion, ça, je pense. Et d'un autre côté, en même temps, si on se contente de juste dire « mais attendons que les nuisances arrivent de notre côté et que quand elles seront là, ben, les gens vont s'organiser, solidarité et tout, et il va se passer des choses, il y aura une ZAD, il y aura une contestation ». Si on fait que ça, on reste dans une logique de défense, et en fait ça fait 60 ans qu'on est dans cette logique, et donc je rejoins un petit peu ce que disait Alex, et in fine c'est la stratégie DGR, je pense qu'elle a plein de failles et d'angles morts, je pense pas que c'est un manuel qu'il faille suivre à la lettre, mais il y a quand même un fond de vérité dans ce qu'ils disent, quand ils disent que voilà, le capitalisme, si on n'essaye pas, enfin le capitalisme, eux ils disent même la civilisation, si on n'essaye pas de l'arrêter, bah, elle va tout niquer, quoi, elle va tout détruire, et donc il y a un moment où il faut essayer de se poser la question de quels peuvent être les moyens pour mettre le sabot dans les rouages, le bâton dans les roues, le grain de sable où on veut, pour qu'en fait, ce truc tombe, parce que c'est un géant en pied d'argile, en un sens. Il est très puissant, mais il est aussi très vulnérable. Et moi, c'est cette analyse qui me semble aujourd'hui pas articulable et intelligible, parce que j'ai l'impression que le monde ou les situations, les groupes ne sont pas prêts à ça. Et d'un autre côté, c'est quand même vers ça qu'il faudrait tendre, parce que sinon, on va faire que défendre, et les territoires qu'on défend vont se rétrécir à peau de chagrin jusqu'à... Ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais ce sera plutôt merdique, quoi. Non, mais vas-y, tu sais, t'as pas. Non, vas-y. Par rapport à ce que tu disais, c'est très chouette que tu organises ce genre d'activité, mais je pense que s'il y a des gens qui n'osent pas y aller, par peur, on va dire, d'être jugés, comment expliquer ? Se dire je vais à des activités sans débourser d'argent, c'est un peu une espèce, j'ai un peu mon point de vue, hein. C'est une espèce de sentiment de honte. Non. Enfin, je sais pas, enfin, et du coup, enfin, je sais pas comment expliquer notre mot, mais j'ai l'impression que vraiment l'argent est vraiment rentré dans nos vies tellement point insidieux que c'est vraiment un modèle de réussite, enfin, moyen de réussite, et que si on fait que des choses gratuites, c'est qu'on a l'impression qu'on se dit qu'on profite du système, qu'on profite des choses gratuites, et qu'on n'a pas mérité, on va dire, enfin. Peut-être que je suis moi aussi, enfin, je suis sûrement aliéné aussi par ce système, mais enfin. Non, mais enfin, c'est quelque chose que je me dis pourquoi je me dis, enfin. On dit souvent qu'il faut de l'argent pour faire des choses culturelles, sociales et artistiques, mais. Enfin, voilà, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, je sais pas, parce que je me suis dit pourquoi ça n'est pas si développé, en fait, c'est parce que. Quelque part, enfin, je sais pas expliquer. Un sentiment. Le mec, il explique bien que les gens, ils comprennent pas qu'il faut pas payer. Parce que si tu dois pas payer, tu dois t'impliquer. Enfin, tu vois, c'est complètement autogéré. Et la plupart des gens, on n'a plus l'habitude. Tu payes, t'es tranquille, t'as pas de retour. Il y a pas de retour, tu vois. Voilà, il y a pas de relation. Il y a pas de relation, justement. T'as payé, c'est basta, quoi. Et le contraire, c'est tu te dis, ouais, je suis pris dans un engrenage infernal où je vais devoir lui dire bonjour tout le reste de ma vie. C'est long. Oui. Justement. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai. Dire, tout le monde profite. Oui, il profite, mais... Tout le monde profite, en fait. Lui, il a amené la discussion ailleurs, un peu. Tu dis, mais pourquoi c'est pas si développé que ça, en fait ? Le gratuit. Le gratuit, c'est parce que... Mais le gratuit... Ça se redéveloppe un peu plus, tout ça. Mais le gratuit... En fait, le commerce dans la vie, c'est toujours... Enfin, c'est toujours pas donnant-donnant, mais on donne quelque chose à quelqu'un, il te donne quelque chose, et c'est... Et puis de toute façon, tout ne peut pas être gratuit. Je veux dire, si par exemple moi je coiffe gratuitement, je ne peux pas. Donc il y a des choses qui doivent être monnayées. D'ailleurs, c'est pas vraiment le capitalisme qui est en faute, parce qu'on parle souvent du capitalisme comme étant une bête noire. C'est pas le capitalisme vraiment qui est à défaut. C'est la manière de gérer le capitalisme. Et c'est aussi la manière dont on gaspille, dont on fait un tas de choses qui sont finalement stériles et inutiles pour personne. In fine, tout le monde est perdant. Enfin, il faudrait... Alors, quelqu'un a parlé de... Je ne sais plus qui, le garçon qui est là. Attends, il a dit... Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, tu as dit quelque chose. Oh là là. Ah oui, comment faire pour mettre un grain de sable dans la roue, etc. Mais en même temps... En fait, c'est que le problème, c'est que tout le monde dans la société, quel que soit le niveau où il se trouve, nous sommes tous sur une branche de ces grands arbres ou de cette grande forêt, et que personne n'est vraiment responsable, quelque part, parce que c'est la machine qui tourne. Et donc, si jamais... Moi, je dis toujours, ça fait des années que je le dis, on est dans un navire. On voit que le navire est quand même, va droit au mur, c'est impossible qu'il en soit autrement. Il va droit dans le mur, c'est mathématique. Tu le sens c'est depuis... C'est les capitaines qui dirigent le... Mais non, il n'y a pas vraiment... Mais juste... Mais non. Mais si. Mais moi, je ne pense pas qu'il y a... Moi, je pense que c'est... Et moi, ce que je veux dire, en tout cas, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'à force de vouloir... Quelque part, on est dans un navire, et à force de vouloir penser qu'on va faire des trous dans le navire... Mais oui, mais je pense que... Je pense que ce qu'il faut surtout faire, c'est petit à petit essayer de fabriquer un navire et faire une transition vers quelque chose de totalement nouveau, parce qu'il faut vraiment revenir à la base de quelque chose qui... Enfin, c'est un sentiment que j'ai très, très fort. Parce que, mais on coule le navire, il y a plein de gens, mais plein de gens qui vont crever. Dans, je veux dire, ça va faire des victimes et des victimes. Donc moi, personnellement, je suis beaucoup plus pour les révolutions douces et créatives. Enfin, je réfléchis quand même le monde comme tout le monde depuis très longtemps. Je pense que c'est, il faut être créatif plus que jamais, mais sans vouloir faire des trous dans le navire dans lequel tout le monde. Parce que finalement, c'est les plus démunis qui vont couler. Hein. Oui, mais voilà, c'est déjà le cas. Non, tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais en tête? Oui, je voulais au moins dire, parce que je suis pas d'accord avec toi sur ce que tu disais, Fauti, mais ça n'a rien de personnel. Tu parlais d'un navire un petit peu qu'on ne devait pas couler, quoi, en fait. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que... Enfin, je vois plus ça, le monde comme un arbre, comme ça, et avec des branches qui partent un peu dans la direction individuelle de chacun, que chacun a envie de faire prendre. Et que même si on essaie de couper une branche de temps en temps, par-ci, par-là, tu ne vas jamais couper l'arbre, quoi. Et essayer de revenir à qu'est-ce qui a germé là-dedans, à la racine de l'arbre, je pense que ça, c'est important. Et du coup, dire que le capitalisme, c'est pas vraiment lui l'ennemi, et dire que le capitalisme, c'est en fait, c'est la manière dont on gère le capitalisme qui est en cause, je pense pas, en fait. Je pense que dans sa matrice même, dans la manière dont il a été pensé et dont il a évolué tout au long de son existence, on va dire... Tous ces instruments ont toujours été, et ces outils ont toujours été avec un but, quoi. Ça n'a jamais été neutre, tu vois. Et donc, si on ne s'attaque pas vraiment à ce système-là, changer des rouages par-ci, par-là, ou essayer d'être réformiste avec telle ou telle mesure, je ne pense pas que ça changera la finalité du truc. Bon, oui. Après, je ne veux pas dire... Oui, je suis plutôt révolution qu'autre chose. Mais après, ce n'est pas pour ça que tout le monde doit saboter des choses. Ou, voilà, s'il y a 1% de gens qui sabotent des trucs... et que tous les autres ont d'autres manières efficaces de lutter, ou même d'être simplement sympathisant de lutte, ça suffit amplement, quoi. Les guerres ne se gagnent pas avec 100% des gens qui sont dans un combat actif et illégal, quoi. Les autres, c'est 1% au front, et tous les autres, ils les aident, en fait. Avec l'argent, ils les cachent, ils les soutiennent, ils les... C'est comme ça que ça marche. La culture de résistance, on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est quand Seb, on a tous parlé, ce que tu faisais, parler avec, faire que les gens de ton quartier se parlent, c'est comme ça qu'après, peut-être, ils vont s'aider et faire une lutte pour peu importe le sujet, tu vois. La racine, mais de la racine de... Il y a plusieurs racines, en fait. Il y a plusieurs... C'est non, ça mais... qui est vicieux. Non, mais... Moi, je suis d'accord, mais il y a beaucoup à discuter là-dessus. Parce que c'est à la base qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais sur un autre truc. Mais C'est vrai que c'est un peu compliqué. Il faut vraiment... Parce que les mots, tu vois, capitalisme dans ton chef, dans le chef de quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas tout à fait... Peut-être quand même pas... Ce que j'appelle capitalisme, c'est... Il y avait encore deux réactions. Je suis désolé, mais sinon, là, on va continuer. Je voulais juste... Oui, je voulais juste rejoindre ce que dit Alexandre. C'est vraiment... Le capitalisme et allant plus loin, la civilisation industrielle, qui est la cause de nos problèmes. Et ça fait 7 ans que je m'implique dans des mouvements et je sais qui est l'ennemi maintenant. Et il faut attaquer tout à fait l'ennemi parce que actuellement le système financier est en danger de vraiment de se démanteler. Et là, on a une opportunité géniale actuellement de faire tout, s'effondrer. Mais il faut aller directement aux racines, voilà. Et bon, si quelqu'un veut m'en parler des ONG et comment ils fonctionnent, je travaille avec une journaliste canadienne qui a fait une dizaine d'années de recherche là-dessus et qui ont identifié qui est les ennemis, qui sont les ennemis. Et oui, Corey Morningstar. Voilà, donc si quelqu'un veut m'en parler de ça, vous pouvez m'en parler après. Voilà. Enfin, bon, moi, je pense qu'il y a une, on est un peu perdu, tu vois. On ne sait pas positivement au nom de quoi lutter contre. On est stratégiquement dans la défense des acquis sociaux parce que c'est mieux d'avoir le chômage ou une retraite que pas, tu vois, dans ce monde-ci. Parce qu'on ne sait pas se nourrir et chasser non plus. Hein. Tu vois, les gens qui ont une maison et qui ont un potager, ils vivent très bien la retraite, c'est mieux déjà. Enfin, tu vois, je ne dis pas que ça suffit, mais bon. Enfin bon, bref. Mais en ce moment, il y a une redéfinition de choses qui je l'ai dit tout à l'heure, qui échappaient qui ont un impensé de la pensée politique. C'est par exemple le lien à la nature. C'est pas juste l'écologie comme abstraction, comme ça et tout. En fait, c'est pas dans le film, mais ils avaient une association officielle, tu vois, la lutte contre le barrage. Ça s'appelait Association de défense, la CDV, du cadre de vie. C'est pas la nature, c'est pas la planète, c'est pas Gaïa, c'est pas une abstraction. Le cadre de vie. C'est là où tu vas chercher ton bois, parce que pour le coup, ils le font, ou chasser, ou machin et tout. C'est vraiment comme un quartier, hein, c'est ton cadre de vie. Les Marolles, c'est leur cadre de vie. Ils n'ont pas défendu une idéologie, un super cadre d'un parti, et pas venu leur expliquer, vous savez, c'est quoi, c'est le capitalisme. Non, les mecs, après, je suis contre le capitalisme, mais tu vois, après le capitalisme, alors, et l'URSS, et Cuba, enfin, tu vois, moi, je suis contre aussi. Et ça, c'est de la civilisation industrielle. Donc, j'étais assez proche des anti-industriels français, hein, une époque. Parce que c'est assez proche des anti-industriels. C'est les post-situationnistes. Hein. Le dernier Debord, il a dit... avant, il rêvait que les machines allaient faire tout le sale boulot et comme ça, il pourrait faire des dérives psychogéographiques tout le temps. Enfin, délire total. Non, Ivan Illich, lui... Oui, lui, c'est un anti-industriel. Ouais, pas du tout proche des situationnistes, mais anti-industriel. Lui, chrétien, primitif, je sais pas quoi. C'est pas péjoratif, hein. C'est un des rares mecs qui a osé s'attaquer à ça, bien sûr. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Mais les derniers situs ont été. Le dernier Debord a dit faut remettre en question les bases de la société industrielle plutôt que se réapproprier cet énorme merdier ingérable par toi et tes copains un art, ingérable, hein, autogestion oublie. Et c'est comme ça que ça a donné naissance en France à l'encyclopédie des nuisances et le mouvement anti-industriel. Voilà, je ne sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui, mais quand on luttait contre les OGM, c'est les seuls qui nous semblaient un peu intéressants. Ce qu'on a gagné contre les OGM en Belgique, hein, je suis sûr que tu ne le sais pas. En 2001, moi j'ai écrit dans le revue L'Écologiste, OGM hors de Belgique, pas d'OGM en plein champ en Belgique. Tous les 15 jours, un sabotage en première page du soir. Niqué. Le fait que BSF. Je vais raconter. Arrête sa production de patates OGM en Europe. Voilà, ils sont revenus 10 ans après avec les patates. Tac, ils sont revenus en Belgique, OGM, non, faut célébrer les victoires. Mais on l'oublie, personne ne le sait, tu vois. Sur le truc, je vais te raconter une anecdote, c'est quand je présente la bataille de l'eau noire, parfois dans les débats, hein, je me souviens, un gros débat au flagé, quelqu'un pose une question. Oui, mais c'est bien cette lutte, la victoire, mais est-ce que vous pensez que ce sera encore possible aujourd'hui? Alors moi, je sors ma liste, tu vois, la ZAD Notre-Dame-des-Landes, quand même, ils tiennent la tête à l'État français. Ouais, putain, ils ont gagné, là, tu vois. Enfin, pas perdu, tu vois, après, c'est le bordel, c'est le bordel, mais, enfin, tu vois, ils n'ont pas perdu. Bon, rien qu'à Bruxelles, à la place Léon, il y avait un projet de parking souterrain. Je connais les gens du quartier, ils ont gagné. On n'est pas au courant. Place du Marolles, il y avait un projet de parking souterrain, là, c'est des trucs... Bon, J'ai un copain. Ouais, mais là. Non, il voulait faire un parking souterrain, ça n'a pas gagné. Bon, il y a plein de victoires comme ça. Plein de victoires contre. Ouais, mais non, mais je veux dire, il y a plein de victoires. On est... Attends. Dans le débat. Non, je finis la blague. Dans le débat, hein, le débat, j'explique toutes les victoires rien qu'à Bruxelles, que t'es pas au courant, tu vois. 20 minutes après, dans le débat, on parle d'une chose. 20 minutes dans le débat après, il y a un mec dans la salle, quelqu'un d'autre qui est dans la salle qui lève le bras. Excusez-moi, bravo, le film, c'est bien, la victoire et tout, mais pensez que ce sera encore possible aujourd'hui ? Je veux de la loose. Et j'ai fait un film sur les. Attends, sur les. Parce que ça, c'est un truc de civil, d'ambiance, sur les des résistants de la Deuxième Guerre mondiale. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on célébrait les guerriers, la bataille du rail, les bataillons du ciel. Les historiens, ils t'expliquent, depuis 45 ans, on ne célèbre que les victimes. Et c'est bien notre mentalité à nous. C'est même pas une idéologie, c'est une mentalité. Et on ne cherche que les victimes, et une victoire, on ne veut même pas en parler, non mais c'est pas bien, parce que si t'es victorieux, t'es stalinien, c'est les goulags, c'est pas bien, c'est nazi, c'est ce que tu veux, les guerriers, c'est pas bien, tu vois. Ça, c'est notre mentalité débile. Et on est victime de cette mentalité, on baigne dedans. Chercher, faire parler une victime, c'est bien, d'emblée, c'est bien, t'es sûr de pas te tromper. C'est pour ça que les ONG, on est sympa, ils vont faire on va soigner les gens, alors c'est même des cons, mais c'est pas grave, tu vois. Voilà, ça, c'est le victimisme ambiant. Moi, j'ai quitté ça, tu vois, complètement. Parce que c'est affaiblissant. Et donc, ça aussi, j'ai pas envie que ça soit... Mais quoi, l'autre avant aussi. Non, on s'en fout. S'il n'y a pas un geste pour casser l'injustice, les rapports de force, ça ne sert à rien. Et voilà. C'est ça que je suis pas... Ouais, donc, on est d'accord. Pas contre les victimes. Avec toi. Elles acceptent qu'il y a une réaction. Enfin, voilà. Bon, je précise quand même, en fait, le mec, toi, victime. Ouais, bah, moi, c'était pour lancer le débat sur un truc encore plus large. Donc, bon. Non, c'était juste toi, tu parlais de. Ouais. Ah, non. Tu disais qu'on ne pouvait pas rafistoler, entre guillemets, le système et que c'était. Il fallait repartir de zéro et. Et conceptualiser quelque chose de complètement nouveau, peut-être, mais il faut arriver à le formaliser et il faut arriver à mettre les premières briques pour qu'on commence à se donner des idées, parce qu'on en parle comme ça et en fait, enfin moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, enfin moi j'ai pas forcément des idées et je pense que c'est très important de construire ce nouvel imaginaire qui va être complètement différent, parce que pour l'instant, enfin... Moi, dans mon esprit rationnel, je me dis, voilà, on va essayer de rafistoler le système parce que c'est ce qui va être le plus efficace là maintenant, avec mes propres moyens. Je perds un peu le fil de ma pensée, mais enfin, je pense que vous voyez un peu où je veux en venir. C'est... ouais, c'est pas grave. En fait, ce que tu me dis, c'est que moi, je suis vachement dans une culture de résistance, en mode, on propose rien de nouveau, mais on essaie juste de casser ce qui est en place. Et effectivement, il faut, je pense, ça, cette culture de résistance à casser les institutions qui existent, à casser toutes les dominations qui peuvent exister, que ce soit les hommes sur les autres hommes, les hommes sur les femmes, les blancs sur les noirs, enfin bref. Avec ou sans vitrine avec des vitrines et des pavés et tout ce que tu veux. Donc il faut ça, une culture de résistance, mais il faut aussi une culture d'alternative. Et l'un sans l'autre ne marchera pas. Et je suis d'accord, et il y a plein d'alternatives qui commencent à popper un peu par-ci par-là, avec des choses, des propositions de vie différentes. La ZAD, la permaculture, tout ce que tu veux, les habitats collectifs, communautaires, les fermes partagées, enfin, le MR. Ouais. Non, voilà, il faut les deux. À l'échelle locale, j'ai bien en tête, il y a plein d'initiatives, effectivement, il y a plein de trucs qui marchent, les ZAD, etc. Mais plus au niveau global, bah, vous parlez du capitalisme, le capitalisme c'est mauvais, d'accord. C'est quoi le capitalisme? C'est l'argent, je ne sais pas exactement votre définition de capitalisme, ça m'intéresserait de l'avoir. Qu'est-ce qui est mauvais dans le capitalisme et comment on s'en sort? Quel est le nouveau modèle? Enfin, ouais, je parle vraiment à l'échelle globale. Moi, j'essaie d'imaginer un système où tout fonctionnerait, quoi. Mais pas juste au niveau local avec son voisin et ses potes en train de faire son potager, quoi. Parce que quelque part, enfin, il y a quand même un système un peu aussi global, enfin, qui est en place, en tout cas industriel. Il y a aussi ça, l'industriel. Enfin, il y a le capitalisme, mais aussi tout ce qui est industriel. Je sais pas, pour produire nos vêtements, pour produire plein de choses dans la vie courante qu'on utilise et qu'on aurait du mal à s'en passer aujourd'hui, même si voilà, on essaie de faire des choses, j'en sais rien. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même industrielles, qui sont fabriquées industriellement. Et donc ça, quel est le lien avec le capitalisme et comment on arrive à distinguer les deux débats et peut-être garder l'un et pas l'autre et je sais pas quoi. Enfin, tu vois. Finir sur ça. On avait dit juste. Sinon ça s'arrête jamais. J'ai même pas du tout dit ce que je voulais dire. Mais... pour finir sur Aaron et tout, désolé, on pourra en parler après si tu veux, mais je voulais juste dire que on dit aujourd'hui ici qu'on est des écologistes radicaux. Enfin, bah, je me définis moi-même comme ça. Hein. Je pense que je suis radical dans ma manière de voir l'écologie, mais radical dans le sens revenir à la racine des problèmes et tout ça. Mais je pense que la première radicalité, c'est pas celle des anarchistes ou des libertaires ou des écologistes. La première radicalité, c'est celle des dominants qui nous infligent quand même une violence assez radicale à certains égards. Je veux dire, les barrages à Couvain, ça a été imposé. Et je veux dire, à chaque fois, c'est toujours les dominants, c'est toujours cliché de dire ça, mais enfin, ceux en tout cas qui gouvernent et qui ont les pouvoirs, qui fixent, ou l'État, qui fixe toujours le niveau de violence nécessaire pour aboutir à un changement. Et jamais c'est un militant qui va dire « Ok, moi maintenant je vais tuer des gens pour faire le changement ». Non, s'il y a une nécessité d'augmenter la violence et d'augmenter la radicalité, c'est parce qu'en face, il y a un truc qui est en train d'être intransigeant, de se corser comme ça, et de moins en moins de choses. Voilà. Et ouais, donc la radicalité, elle est en réponse à la radicalité première, qui est celle de l'État. Et puisqu'on a le temps, maintenant, on va plutôt quitter la ville et on va à la rencontre d'un jeune gars qui fabrique des ruches. Des pieds qui se mettent sur les bords, comme ça vous la posez, vous mettez un petit peu à la hauteur que vous voulez. Et puis, on dirait une sorte de coffre-fort, hein? Oui, ou de cercueil. Un petit pour bébé, alors. Oui. Ben voilà. Et alors... un tout petit peu ça pour... Oui, je vous en prie. Oui, parce que j'aurais oublié. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que le fait, comme on n'est pas toujours obligé de rentrer dedans, d'ouvrir, les déranger, tout ça, parce que ça leur fait perdre la chaleur aussi, il y a un petit vitrage ici. Bon, là, je l'ai enlevé pour pouvoir voir. Sinon, on remet un petit bois. Et alors, vous enlevez le petit bois et vous regardez simplement à l'intérieur, à la place de se mettre devant une choix nature, vous ouvrez la petite trappe et vous asseyez devant. Et il y en a beaucoup. Et du fait... Pardon. Je vous en prie. Non, je vous ai coupé, allez-y. Non. Il y en a beaucoup qui sont en fonctionnement. Alors, ici, à mon avis, j'en ai été placé plus ou moins une trentaine un peu partout en Belgique. Il y en a deux à la ferme de Froidefontaine. Et puis, il y a des gens qui me demandent de plus en plus pour les laisser chez eux parce qu'ils ont des... Allez, j'y arriverai. Où on pousse tous les arbres fruitiers. Allez, j'y arrive. D'accord. Ils ont une grande variété. Ils ont une grande variété d'arbres et alors à ce moment-là, ils veulent pour poler. Voilà, les vergers. Merci. Oui, merci, madame. Donc pour polliniser un petit peu les vergers chez eux. Voilà. Et c'est du sapin, quoi. Non, du mélèze. Ah oui, c'est parce que du sapin, ça oui, mais c'est quand même beaucoup plus résistant. Hein. C'est sûr. Parce qu'il devient le problème du sapin, c'est que les ruches traditionnelles, c'est des sapins blancs du Nord. Et à partir d'un certain moment, ça devient plus poreux. Et le mélèze, c'est très bon, c'est sûr. Et le mélèze, c'est quand même... Oui. Moi, je vais chercher... Bon, pour avoir... Pour que ce soit un peu plus résistant, je vais le chercher en France, moi. Hein. Parce que mon activité principale, j'achète et je vends du bois. Donc je sais où il faut que j'aille le chercher pour... Non. Un peu plus bas. Il n'y a pas du bois en Belgique aussi bon. Le mélèze de chez nous pousse un peu trop vite. Donc du coup, les cernes annuelles sont un peu plus écartées. Okay. Il est moins dense. Ah, oui, voilà. Ici, on est plus sur du 650, 700 euros, enfin 700 kilos du mètre cube. Voilà. Que par chez nous, il est un peu plus bas. Ouais, donc, plus il fait froid, évidemment, plus... Enfin, plus il fait froid en hiver, plus il est résistant. Oui. On peut reprendre, est-ce qu'on pourrait décrire cette ruche? Donc c'est bien une ruche pour abeilles? Oui. Alors expliquez-moi, vous l'avez inventée, vous l'avez recopiée? Non, je ne l'ai pas. Donc c'est une ruche qui n'est pas comme on a l'habitude de voir. Est-ce qu'on peut essayer de la décrire, cette ruche? C'est une ruche TBH ou kenyane, donc ça a été inventé par un Canadien. Qui voulait les importer au Kenya. Et en fait, il a reproduit l'angle 30 degrés pour avoir un angle où elles sont capables naturellement de... Ça vous pourrez couper, est-ce que ça ne va pas? Bon allez, on recommence. Soyons simples, hein, soyons ouais. simples. C'est intéressant, c'est une ruche bon, qui n'est pas comme d'habitude. Hein, c'est comment on pourrait la... C'est comme un coffre qui... C'est vrai, c'est comme un coffre en ouvert. Fait, voilà, comme un coffre en fait. Ça reste la même, le même principe qu'une ruche normale, sauf que voilà, l'inclinaison est importante parce que naturellement les alvéoles sont construites à 30 degrés et qu'on respecte cet angle-là. Et alors du fait que on ouvre le petit coffre mais que les barrettes sont là pour les protéger, la chaleur ne s'en va pas non plus. D'accord. Et on ouvre toujours la ruche par l'extérieur, donc il y a un petit séparateur au milieu, et chaque fois que vous voulez ouvrir la ruche, vous l'ouvrez par le côté et non pas par le dessus où toute la chaleur s'en va. Voilà. Vous avez compris là maintenant. Ouais, c'est pas bête. Vraiment, ça avait de la peine de renouveler l'opération. Mais donc c'est pas vous qui avez inventé le... C'est pas moi qui ai inventé la Kenyan. Par contre... Ça s'appelle comme ça, la Kenyan. La Kenyan ou TBH. Ouais. Enchanté, enchanté. Avec plaisir. Voilà. Et donc ça vient du Canada? Non. Je croyais que vous disiez ça. C'est un Canadien. C'est un Canadien. Pour le Kenya. Ouais. C'est un Canadien. Ouais, qui l'a créé pour le Kenya. Et moi je l'ai modifié en soi pour qu'elle s'adapte un petit peu au standard du fait que quand on veut mettre un essaim de ruche d'Adam dedans, il y a des cadres qui existent pour aller aussi bien dans la d'Adam que dans la Kenyan, d'accord, dans la ruche traditionnelle. Voilà. Donc j'ai augmenté la hauteur et qu'est-ce que j'ai encore augmenté? Un point de vue du toit pour qu'on puisse mettre un isolant facilement. Bah, du coup, évidemment, vous travaillez avec les abeilles ou bien c'est les abeilles qui travaillent avec vous? C'est les abeilles qui travaillent avec moi. C'est votre métier? Non, j'ai suivi les cours, je fais ça en complémentaire. Voilà. Et expliquez alors, quoi, vous êtes lancé un peu là-dedans, il y a longtemps? Il y a 3 ans maintenant. Et pourquoi? C'était quoi la démarche première? Parce que j'en avais assez de rentrer dans le commerce, d'acheter du sucre de betterave pour leur donner à manger et leur enlever tout le miel. Oui, d'accord, mais ça veut dire que vous aviez déjà un pied du coude avec les abeilles. Comment ça a commencé votre histoire avec les abeilles? Pourquoi les abeilles, quoi? Par passion, parce que voilà, j'aime bien la nature et que je trouve ça un animal magnifique, un insecte magnifique. Vous leur prenez quand même le miel? Non. Ah non? Non, juste un tout petit peu le miel de colza au printemps, mais c'est tout. Tout le reste du miel, je leur laisse. Mais donc, parce que moi je connaissais pas trop, mais quoi, les abeilles, donc vous faites des maisons pour les abeilles, des ruches pour les abeilles. Voilà. Quoi. Pour le particulier qui n'est pas nécessairement apiculteur, qui peut en avoir chez lui, ouais. Suivant une petite formation, comment les gérer quand il y a un essaim qui s'en va, quand il remarque quelque chose qui ne va pas, connaître l'abeille, mais il n'en est pas esclave du fait d'acheter. Il peut très bien en avoir une seule, quoi. Une seule peut... Oui, parce que parfois, il y a des gens qui ont une dizaine. C'est pas obligatoire. Avec c'est une, bon. On peut déjà s'en sortir. Voilà. Ouais, c'est juste bon, une dans son jardin qui permet de faire... comment sa part. De faire sa part. Voilà. C'est juste faire comme le colis. Ouais. Ce n'est pas... Voilà. C'est ça, le prélèvement. On fait un usage et pas un abus, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut quoi, c'est obligé de faire hein, on peut laisser les abeilles avec leur maison et faire ce qu'elles veulent au fond Ça c'est ce que vous feriez? Oui, moi c'est ce que je ferais parce que enfin voilà, le fait de s'occuper d'une Kenyan, c'est juste rajouter des barrettes quand elles n'ont plus assez d'espace pour construire. Donc vous rajoutez des petites barrettes pré-gaufrées pas pré-gaufrées, avec une petite amorce pré-gaufrée, et puis elles construisent tout le reste elles-mêmes. Oui. D'accord. Oui. Et pourquoi je sais qu'il y a, bon, ça craint les abeilles, hein, on entend qu'elles sont en voie de disparition, c'est un peu aussi dans cette logique-là, tout ça? Oui, parce qu'un des premiers problèmes, c'est l'apiculteur lui-même. Je ne vais pas encore me faire des amis, hein, mais... Dites. Parce que du fait de les... Je sais qu'il y a les pulvérisations des agriculteurs, ça c'est une chose. Mais le fait d'enlever leur miel, qui lui est... est bon pour elles, et leur mettre du sucre avec du glucose, et voilà, ça les affaiblit. Donc déjà de les affaiblir comme ça, quand elles vont arriver sur les pesticides, c'est encore, elles sont encore plus elles perdent leur, donc c'est encore plus compliqué. Donc déjà le fait ici qu'elles construisent elles-mêmes, qu'on leur met pas de cire qui a déjà, où il y a aussi déjà du un petit peu des saloperies dedans, et le fait qu'on ne nourrisse pas, qu'elles ont leur propre miel, elles sont déjà beaucoup plus fortes pour résister au voilà. Mais à l'état naturel, les abeilles, elles font leur maison, elles font leur ruche elles-mêmes, dans quoi. Dans un arbre creux. Donc ça, c'est la prochaine ruche que je suis en train de faire. Si, c'est sérieux, sérieusement. C'est en Afrique, c'est, on voit ça, non ? Surtout dans les Cévennes. Dans les Cévennes, Oui, dans les Cévennes. Magnifique, d'ailleurs. Ah, super. Et donc, dans les Cévennes, ce qu'ils font, c'est que... Enfin, il y en a autre part. Hein. Oui, c'est oui, qu'ils évident le tronc. Ils coupent une rondelle. Quand tu dis ils, c'est les abeilles ? Non, c'est les. Ah, c'est les humains quand même qui. Oui, mais qui imitent. Mais ils ont remarqué que ça revenait à l'état naturel. Hein. Donc, le fait de faire ça, elles s'en vont, elles vont se mettre dans les arbres aussi qu'elles trouvent creux, et elles y vivent très bien. Qu'on a quasiment plus par chez nous. Parce que voilà. Il faut retourner à la base, oui. Oui. Mais on l'utilise pour faire le sirop, mais on l'utilise. Quelqu'un a une question à monsieur ? Et quoi, vous vendez alors vos ruches ? Vous les donnez ? Comment ça se passe ? Oui, aujourd'hui, vous savez, on doit arrêter de vendre. Hein. On doit être... Non, hein. Il y a quelque chose à faire. Malheureusement, je ne les donne pas encore. On aimerait bien. On aimerait bien trouver un accord avec la région wallonne. C'est de construire la ruche et fournir avec les seins directement et que ce soit la région wallonne qui participe. Justement à ça. C'est en cours. Maintenant, pour le moment, elles sont toujours à vendre. Voilà. Parce que comme une ruche traditionnelle, c'est aussi ça a aussi un coût. Il y a une petite référence que vous pouvez donner, comme ça les gens ils peuvent aller checker, voir. Par rapport à. À ces ruches. Ah, qui en a déjà ? Des références, un lien où les gens peuvent aller voir. À Froidefontaine ? Oui, ou sur le net par exemple. Ah, je n'ai pas fait de. Il n'y a pas de lien via Internet ? Non. Comment on peut... Bon, ben voilà. Faire votre pub, quoi, oui. Faire la bouche pub. À oreille. Oui, bouche à oreille. Bouche à oreille, ça marche comme ça. Cercueil positif. Voilà, c'est ça. Cercueil positif. Détourné. Mais c'est vrai que quand ça ressemble à un cercueil, c'est vrai, hein. Ouais. Un petit mini cercueil. Ici, Ça, c'est pour ne pas être dans le pétrin qu'il faut voilà. Installer ça. Mais ils ont fait comme ça, mais il y a plein d'autres façons de faire le toit aussi. Il y a du fait de mettre du zinc. De l'isolant, vous envisagez de mettre quoi ? Fibre de bois. Ah oui. Non traité au sel de bord. Parce qu'il en existe. Pour préciser. Ouais. Oh oui, au mieux. Mais ça, du fait que je suis dans le milieu, ça va. Oui, c'est voilà. J'ai assez facile. Vous avez une petite carte ou quelque chose ? Non. Non. Que des bouches à oreille. Voilà. Ouais, des bouches à oreille, c'est pas mal, hein. Oui. Voilà. Encore faut-il savoir le nom aussi ? Mais ça, je veux le contacter. Oui, c'est. Il y en a à Froidefontaine. Et votre nom, votre prénom ? Maxime Dex. Et votre Maxime, c'est quoi ? Maxime Dex. Vous ne savez pas ce que c'est, le Maxime ? Il a été pris dépourvu. Voilà, il a été pris dépourvu, la Maxime. On n'apprend plus ça à l'école. J'ai remarqué depuis déjà pas mal de temps, j'ai encore une connaissance, c'est Maxime aussi, il s'appelle. Eh bien, il ne connaît pas ce que ça veut dire. Sa Maxime, non. La Maxime, c'est avoir, comment est-ce qu'on pourrait dire ? Un thème, un projet très court comme ça, se définir en fait. Ah oui. Vous vous définissez comment ? Humain. Une petite maxime quoi, genre on dit de vous que, oui. Ou bien vous vous dites vous-même de vous que. Non, rien. Excellent. Eh ben voilà, il c'est comme ça. Une ce sera Maxime Dex, point.